Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des coups de poing dans la gueule à qui que ce soit que je m'agresse. Je veux remuer dans mon fauteuil, alors écoutez-moi un peu les pouces, les gaules, les bœufs, les ringards, les phoques, les journaux. Tu tiens mon nom dans vos journaux, envoie ma tronche à la télé où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé, je suis pas chanteur pour les copains et je peux être tenu comme un chien. Déclare pas avec Aragon, le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc d'un bistrot des plus cratins de mes bordels. Où c'est que j'ai mis mon flingue? J'ai pas me laissé embouquiner par le facho, par des japonais. Tous ceux pas le mec en doctriné, je fous le barré votre autre pompon. Tous ceux qui me traitent de démago, par leur torchon j'irai jamais. Même si c'est mort, ils sont récupérés. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui jugent pas, qui meurent, qui vivent en vieux leur vie niable, ont tous dans la bouche un connard. Ça s'en sent pas pour ces bureaux, mais j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or, un Olympia pour moi tout seul, qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant que j'aurai de la haine dans mes cinq, je ne chanterai que pour les dingues, mes bordels. Où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que des mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie d'un haut. Le bleu marine me fait gerber, j'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on me verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Choisir celui qui me fera crever, moi ce jour-là je reste amateur. Rien à foutre de la lutte, écrase tous les systèmes sont dégueulasses. Encaisser les drapeaux, quoi que mon genou soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue. Et votre république, moi je la tringle, mes bordels. Où c'est que j'ai mis mon flingue? Puis qu'on a tiré mon calife, un soir au Pétro-Saint-Michel. Je veux plus les pieds dans une manif, sans un échec ou un cocktail. À l'ombre, comme un Saint-Lazare. Plus la chevaux en face aux flicards, mais les fusils. Des barres et des grenades. Gueuler contre la répression, on les file en fascination. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne pas le conscience encore. On est beux et on pousse mes gos, qui fout de marrer votre tombeau. Saint-Georges me trouve la gueule par terre, sur ça sera la faute à ma mère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera la faute à mon eau. Pour l'heure mon avenir est sur le zinc d'un bistrot des plus cradins. Mais fais gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.